Donc, bonjour mes frères et sœurs. Bien, ce matin, nous continuons notre étude de ce merveilleux livre de l'Apocalypse. J'espère que ce livre vous encourage dans votre vie chrétienne, vous stimule à la persévérance en Dieu et en Jésus, notre bien-aimé Dieu et Sauveur. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, toi qui es notre Créateur, qui es notre Sauveur, qui est notre aussi notre Providence. Nous sommes heureux que depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que ton plan se manifeste, se produit, se déroule comme tu l'avais annoncé et prédit par tes prophètes. Et ceci nous encourage à persévérer pour les promesses que tu as faites vers l'avenir, pour les prophéties que tu as faites vers l'avenir, car elles s'accompliront tous comme ceux de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons voir, Seigneur, le dénouement des jugements que tu as amenés sur la terre. Et ces jugements vont produire pour le monde céleste des Alléluia. Et je crois que ça devrait produire en nous maintenant les mêmes moments d'adoration et de louange. Donc conduis-nous. En Jésus, nous te prions. Amen. Le texte nous parle d'Alléluia à plusieurs reprises, comme nous allons le lire. Et le mot Alléluia, c'est un mot, je dirais, latin, qui veut dire gloire à Dieu, que Dieu soit exalté, élevé, vanté, glorifié. Et nous allons voir, en même temps, dans notre texte, les raisons. Pourquoi est-ce que le ciel est en délire et en louange devant notre Dieu? Lisons ensemble le texte, si vous voulez bien. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il l'a venger le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen ! Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, vous avez pu voir comme moi que le mot « Alléluia » revient à plusieurs reprises dans ce texte. Je suis toujours impressionné, et je ne devrais pas l'être jusqu'à certains points, que pendant toute l'Apocalypse, le focus n'est jamais sur ceux qui sont dans le ciel, mais sur celui qui est dans le ciel, notre Dieu. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive, est pour sa propre gloire à lui seul. On ne tourne jamais les regards vers ceux qui jouissent du ciel dans la présence de Dieu, mais on focus sur la personne de Dieu, sur la personne de Christ continuellement. Et je crois, ça devrait être de même dès aujourd'hui, dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Nous ne sommes pas là pour ce que le salut peut nous apporter, mais pour ce que le salut va apporter à notre Dieu. C'est là le point central, et je dirais même unique, de la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mot Alléluia veut dire, si je pourrais le traduire en québécois, vanter notre Dieu. Vantez-le. Pour quoi? Nous allons le voir bientôt. Mais regardons premièrement qui pose les Alléluia dans ce texte. Premièrement, le verset 1 nous dit qu'une foule nombreuse disait Alléluia. Donc, c'est une gigantesque foule, je crois que c'est la même foule que dans le chapitre 7, qui crie, qui lance des louanges, des mots de gloire à notre Dieu. Mais il va les définir. Il va les définir. Premièrement, il dit que les 24 VA et les quatre êtres vivants se prosternent et louent notre Dieu. Et ils crient, Amen, Alléluia. Donc, si ma compréhension est bonne, des quatre êtres vivants et des 24 VA, ce sont des êtres angéliques. Donc, les anges crient, poussent des Alléluia pour notre Dieu. Pour ce qu'il voit que notre Dieu a fait et accompli dans le monde. Et ici, le texte va nous parler surtout du salut qu'il a accompli envers l'épouse qui va nous être présentée. L'Épître aux Colossiens nous disait déjà cela, que les anges dans le ciel adorent et louent Dieu pour l'œuvre qu'il a faite pour l'Église au nom de son Fils Jésus, pour sa propre gloire. Donc, nous avons vu les 24 véans, nous avons vu les quatre êtres vivants, et maintenant, il sort au verset 5, excusez, oui, il sort une voix du trône qui crie, Vous, petits et grands, louez aussi notre Dieu, poussez des cris de joie et adorez-le. Et au verset 6, j'entendis la voix d'une foule nombreuse qui criait Alléluia. Donc ici, je crois que c'est les saints de tous les temps, petits et grands, parce qu'il dit, vous qui le craignez, donc là, ici, c'est tous les croyants de tous les temps qui crient Alléluia. Donc, je crois qu'ils sont par millions. Ils sont par millions qui crient à notre Dieu, qui regardent vers le trône et qui se réjouissent de ce qui est en train de prendre place. Ils se réjouissent pas, premièrement, de ce qui arrive dans leur vie et que finalement ils sont rendus au ciel et que finalement ils vont avoir la vie facile qu'ils ont toujours rêvé. Enfin, c'est fini les difficultés. Non. Et on va voir tout à l'heure pourquoi eux autres aussi, ils crient des louanges et des alléluia à notre Dieu. Donc, on voit les anges qui poussent des alléluia et on voit la foule nombreuse qui pousse aussi des cris de louanges à notre Dieu. Maintenant, nous allons voir ensemble les raisons. Pourquoi est-ce que le ciel est un louange devant le trône de Dieu. Première raison, verset 2, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang des saints ou des serviteurs en le redemandant de sa main. Donc, la première raison, c'est les jugements qui ont été déversés sur la terre entre le chapitre 6 et le chapitre 18, 12 chapitres de jugement. Si on fait pas attention, on va avoir tendance à avoir pitié de ces pauvres êtres humains qui souffrent. Mais pourtant, les anges, et ici la foule, et les êtres vivants et les quatre veillards louent et crient Alléluia parce que ces jugements sont véritables et justes. Donc, ce que Dieu a emmené sur la terre pour la destruction du péché, la destruction des impies, la destruction du diable et de ses armées, est une raison de crier dans le ciel, c'était véritable, c'était juste, sont basés sur la vérité, sont basés sur la justice de Dieu, et ils le méritaient. À plusieurs reprises, on a vu ça dans les chapitres. Ils méritaient cette colère qui s'est déversée sur eux. Non pas parce qu'ils étaient méchants plus que ceux qui sont dans le ciel et qui chantent Alléluia, mais parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu, parce qu'ils ont rejeté l'appel de Dieu, de la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont, se sont rebellés devant les jugements de Dieu au lieu de se repentir devant les jugements de Dieu. Donc, ils louent Dieu pour ses jugements qu'ils ont déversés sur le monde. Il dit au verset, au chapitre 2, au verset 2 encore une fois, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Donc, il a jugé, il a condamné la grande prostituée qu'on a vue au chapitre 17 et 18. Il l'a détruit, il l'a emmené sa ruine, il l'a précipité dans l'océan, image, n'est-ce pas? Comme on précipite une grosse meule, et c'est la destruction éternelle de la grande prostituée. Cette grande prostituée qui n'est pas une femme, mais qui est un système religieux, qui corrompait la terre par la débauche, non pas une débauche sexuelle, mais une débauche spirituelle. Qui a entraîné aussi la débauche sexuelle par après? Parce que la débauche dans les actions des hommes est toujours précédée d'une débauche spirituelle, d'une débauche religieuse, d'une débauche qui est manifestée par le rejet de Dieu, de repousser Dieu, de se rebeller contre Dieu, et ceci entraîne des actions rebelles. Donc, il crie, il loue Dieu, parce que Dieu a détruit la grande Babylone, la grande prostituée, qui corrompait la terre, qui corrompait la terre de sa débauche. Ce que les hommes aujourd'hui exaltent, tous ces mouvements religieux qu'on dit qu'ils sont, oh, c'est tout bon, oh, c'est tout correct, oh, si on pratique notre foi honnêtement et avec une bonne conscience, Dieu va nous accepter, voyons donc. Tous ces mouvements religieux qui se manifestent dans le monde et qui rejettent la parole de Dieu, qui rejettent le Fils de Dieu, qui rejettent le salut par grâce uniquement. C'est un résultat d'une débauche spirituelle, d'une inimitié contre Dieu, d'une haine de Dieu et de son Fils Jésus. Et il continue au verset 2 en louant, il dit, le ciel loue Dieu car il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. À plusieurs reprises dans la Bible, il est dit, ne vous vengez pas, car à Dieu est la vengeance. Car si on se vengeait soi-même, ça ne serait pas véritable et juste. Mais quand Dieu venge son peuple, venge ses élus, venge son peuple autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, quand Dieu venge, c'est véritable et juste. Et tout le mal qui a été fait au peuple de Dieu, Dieu a dit dans l'Ancien Testament, et Jésus l'a répété dans le Nouveau Testament, ce mal qu'ils vous font, cette haine contre vous, ce n'est pas vous. C'est contre Jésus. C'est contre Dieu. Souvenez dans l'Ancien Testament quand le peuple d'Israël s'est levé contre Samuel. Dieu a dit à Samuel, Samuel, ne te blâme pas. Ce n'est pas contre toi qu'ils demandent un roi. C'est contre moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. C'est pour ça qu'ils demandent un roi, comme les nations. Donc, cette haine qu'ils avaient contre Samuel, et le fait de rejeter Samuel qui était le lien entre Dieu et le peuple, il dit, c'est pas contre toi, c'est contre moi. Et Jésus a dit, ceux qui vous rejettent, me rejettent, et rejettent celui qui m'a envoyé. Donc, si je peux le traduire ainsi, et oui, en vengeant le sang des serviteurs, il se venge lui-même. Il se venge. Il se venge qu'on a rejeté ses prophètes. Il se venge qu'on a rejeté son Église, son peuple. Il se venge qu'on a rejeté la parole de Dieu qui était Jésus-Christ fait chair. Il se venge. Et ce jugement, cette destruction de la grande prostituée, cette vengeance que Dieu amène sur la terre, produit un alléluia au verset 3. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Donc, cette fumée de la destruction de cette grande prostituée, de ce monde de débauche, va être éternelle. Cette fumée va être au siècle des siècles. Donc, ça veut dire, ce jugement-là est pour l'éternité. Le verset 6 nous donne la deuxième raison. Il dit, à la fin du verset 6, « Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Ceci ne veut pas dire que Dieu ne régnait pas avant. Dieu a toujours régné. Il n'a pas cessé d'être roi. Dieu a toujours été roi, donc il a toujours régné. Jésus a dit à Pilate, « Je suis roi. » Et si je pourrais dire ainsi, la terre dans son ensemble ne manifestait pas que Jésus était roi. Mais il dit, « Je suis roi. Je suis roi dans le ciel. Mon royaume est dans le ciel. » Donc, il n'a jamais arrêté d'être roi. Sa royauté était toujours là et il régnait sur le monde. Mais maintenant, il dit, il prend possession de son royaume. Parce que là, il a enlevé totalement toute manifestation de rébellion, toute manifestation de péché, toutes les actes qui avaient de l'inimitié contre lui, toutes les actes qui étaient en rébellion et qui s'acharnaient contre son règne, autant angélique que humain. Il les a éliminés. Donc, Dieu rentre dans son règne d'une façon parfaite, totale, complète, éternelle. Donc, Dieu prend possession de ce monde, de son peuple, on va le voir verset 21, il va le transformer, il va l'adapter à un règne de Dieu sur un monde parfait sans péché, sur un peuple parfait sans péché. Donc, il dit, il prend possession de son règne. Et comment a-t-il pris possession de son règne? Par sa toute puissance, il dit au verset 6, car le Seigneur, notre Dieu, prend possession de son règne. Dieu règne et Dieu va régner pour toujours. Si je me promène dans les rues de la ville de Victoriaville et je demande au monde, qui règne dans ce monde aujourd'hui? Sont rares, je dirais très rares, ceux qui vont dire c'est Dieu. C'est Dieu. Seulement ceux qui marchent par la foi, qui ont été régénérés par Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, seulement eux peuvent dire avec toute honnêteté, par la foi, c'est Dieu qui règne dans ce monde. Malgré tout ce que vous voyez, et on l'a vu, Dieu le dit, quand il y a eu le déluge, Dieu le dit, quand il y a eu Sodome et Gomorre, Dieu l'a manifesté par toutes les guerres de l'Ancien Testament. Dieu régnait, même si c'était le chaos. Dieu régnait parce que le chaos servait à mettre son plan en place. Ça, c'était la deuxième raison. Dieu règne. Maintenant, il est entré dans son règne. C'est pour ça que le monde se réjouit. C'est pour ça que, pas le monde, mais le ciel se réjouit et tous ses habitants. Les croyants aujourd'hui donneraient n'importe quoi, si je pourrais dire ainsi, pour que Dieu règne dans le monde aujourd'hui tout de suite. Et ce sera un monde parfait, paradisiaque. Si vous demandez au monde, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez qui devrait arriver pour que le monde change, pour que le monde soit une meilleure place pour vivre, pour que le monde puisse éradiquer tous les problèmes du monde? Très, très, très, très rare. Ceux qui vont dire, il faudrait que Dieu vienne régner dans ce monde et prenne que tous les rois de ce monde, tous les dirigeants de ce monde se soumettent à Dieu. Mais les croyants diraient, oh, si Dieu pouvait transformer le cœur de tout le monde et que tout le monde deviendrait des croyants. Et si tout le monde, si Dieu enlèverait le péché, ce serait un monde parfait. Ça, c'est la deuxième raison. Voyons maintenant la troisième. Au verset 7, on parle des noces de l'agneau. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, donnons-lui gloire, criez Alléluia, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. C'est fait. Les noces de l'agneau sont prêtes, tout au long du Nouveau Testament. Et même dans l'Ancien Testament, on présente le peuple de Dieu comme une vierge qui se prépare à rencontrer son époux. Plusieurs paraboles parlent de cela. Ils prennent cet exemple-là de noces, de rencontre entre la fiancée et l'époux. Et ici, il dit, réjouissons-nous, car elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle s'est mise belle le plus qu'elle pouvait. Et je dirais même qu'elle est d'une beauté parfaite, cette épouse. Et il dit, au verset 8, elle est revêtue d'un fin lin, d'un éclat pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Donc, elle s'est préparée en faisant des œuvres, les œuvres justes des saints. Donc, elle s'est mise belle par les œuvres qu'elle a accomplies dans ce monde. Et si je vous dirais, c'est quoi les œuvres qu'elle a accomplies dans ce monde? Comment s'est-elle préparée? Comment a-t-elle revêtu ce fin lin? Et si vous regardez toute l'Apocalypse, ce fin lin pur, éclatant, comment est-il devenu pur? Comment est-il devenu blanc comme la neige? En le saussant, en le lavant, en le plongeant dans le sang de l'agneau. Ce n'est pas des bonnes œuvres ici de charité, de prédication, d'évangélisation, de dons, de renoncement à soi-même, désobéissance à la parole de Dieu. C'est pas ça dont on parle ici. C'est pour ça qu'au début du verset 8, il dit, il lui a été donné. Donc, c'est un verbe à l'état passif. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Il lui a été donné ici, c'est un acte souverain de Dieu. Dieu lui a donné de se revêtir d'un fin lin. S'il lui avait pas été donné, elle n'aurait pas pu se revêtir d'un vêtement de fin lin blanc. Les œuvres dont on parle ici, on parle de repentance, on parle de soumission à Dieu, on parle de rechercher la gloire de Dieu, on parle d'avoir accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, on parle de croyance, de foi. On ne parle pas ici de bonnes œuvres comme on l'entend dans notre société aujourd'hui. Il faut faire la différence entre les deux. Tellement de chrétiens se trompent. Ils croient qu'ils vont améliorer leur sort céleste en travaillant plus dans ce monde. Mais il n'est jamais question de cela dans le livre d'Apocalypse. Les œuvres ici, regardez bien. Dans les sept églises, regardez ce que Jésus leur demande. Persévère, endure. Continue, rejette les Nicolaïtes, garde l'évangile que je t'ai donné, repens-toi, lave-toi les yeux avec du collyre, purifie-toi dans mon sang. C'est ce que Jésus dit aux églises, il leur dit pas de faire des œuvres comme on l'entend souvent, mais de rester attaché à l'évangile proclamé par les apôtres de Jésus. Et vous savez, les noces, quand on arrive à une noce, humainement parlant, j'ai remarqué ça, vous remarquez ça, le focus dans la noce, c'est souvent l'épouse, aujourd'hui. Mais il ne faudra pas se tromper personnellement ou soi-même, en pensant que le focus ici est mis sur l'épouse. Non. Ici, on se réjouit car les noces de l'agneau sont venues. Et ces noces sont venues à cause du plan de Dieu, à cause que Dieu a détruit par ses jugements la grande Babylone. C'est à cause que lui a pris possession de son règne. C'est à cause que lui l'a purifié de son sang. C'est lui qui reçoit la gloire quand l'épouse rentre dans le ciel. C'est pas que les yeux se tournent vers l'épouse comme on fait dans les églises quand l'épouse rentre. Non, le ciel va se tourner vers Dieu et glorifier Dieu et pousser des alléluia à Dieu. Car les noces de l'agneau sont arrivées et c'est lui qui en est l'auteur de cette noce-là. C'est lui qui a préparé son épouse. On a vu ça dans Éphésiens, hein, n'est-ce pas? Éphésiens, il dit quoi? Il dit, il a préparé son épouse. Il l'a purifiée, il l'a lavée. Il l'a préparée. Donc, à qui est-ce qu'on donne la gloire? À l'épouse? Mais non, on donne la gloire à celui qui a préparé l'épouse en la purifiant par la parole de Dieu. Donc, les trois raisons, il a jugé la grande prostituée, il a pris possession de son règne et il a amené le dénouement des noces de l'agneau. Ça avait été promis depuis des millénaires et c'est finalement accompli. Et le ciel entier, le ciel angélique et humain glorifié, loue Dieu d'avoir accompli tout ses décrets et toutes ses promesses. Jean, devant un tel spectacle, devant une telle révélation, Il tombe à genoux pour l'adorer, adorer l'ange ici dans le texte. Et l'ange réagit instantanément. Garde-toi de le faire. Si tu fais ça, je vais te condamner et tu serais condamnable par Dieu. Ne fais jamais ça. Toute cette attention qu'on donne aux anges depuis une quinzaine d'années, toute cette adoration qu'on a mise sur les anges depuis le début de l'Église. Mais il me semble qu'il y a un an, c'est amplifié maintenant. Il y a toutes sortes de choses, d'écrits, des livres, des films. J'ai vu un film la dernière fois que les anges sont meilleurs que Dieu. Les anges ont plus à cœur de sauver l'humanité que Dieu lui-même. C'est une folie, c'est une aberration, c'est une stupidité, c'est une fausse doctrine, c'est diabolique. L'ange, il dit, il se décrit, je suis ton compagnon de service. Il dit, comme toi présentement, tu as été appelé par Dieu, par Jésus, pour écrire le livre d'Apocalypse. C'est un serviteur de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, là, tu es en train de vivre un serviteur, tu es en train d'accomplir pour Dieu un service. Comme moi, l'ange dans le ciel, je suis en train d'accomplir un service pour Dieu. Je suis ton compagnon de service, comme, au verset, il dit, comme celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc, il dit, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, angéliques et humains. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu pour lui, pour sa gloire. Adore Dieu. Adore Dieu. Fais ça pour Dieu. Ne fais jamais ça pour qui que ce soit d'autre. Adore Dieu, Jean. Adore Dieu. Parenthèse. Faut pas voir ici Jean qui a une faiblesse céleste. Voici ce que je veux dire. C'est pas que Jean a une faiblesse puis il est dans le ciel puis pourquoi est-ce qu'il adore un ange quand il devrait adorer Dieu? Mais rappelons-nous, Jean est juste là. En visite, Jean est encore dans un état non glorifié. Il y a une vision, il y a une révélation. Faut pas penser que dans le ciel, ceux qui sont là et nous qui vont être là pour l'éternité, on va encore se tromper en voulant adorer des anges et ne pas adorer Dieu. Mais non, ça se fera pas à ce moment-là. OK? Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quel est donc ce témoignage de Jésus? Adore Dieu. Jésus est venu sur la terre et lisons les quatre évangiles, vous allez voir tout ce qu'il demande à ses disciples. Adorer Dieu, servir Dieu, annoncer Dieu, proclamer le royaume de Dieu, annoncer l'évangile de Dieu. Je suis venu pour glorifier Dieu. Repentez-vous pour glorifier Dieu. Il dit aux gens, vous vous êtes pas convertis parce que vous cherchez la gloire des hommes. Moi, je cherche la gloire de Dieu. Le témoignage que Jésus a rendu, c'est l'esprit de la prophétie. C'est la raison d'être de toute la prophétie de la Bible. Je vous la donne ensemble. La prophétie de l'arrivée du royaume de Dieu, c'était pour que Dieu soit glorifié. Et c'est pour ça que Jésus a dit à la Samaritaine, je suis venu pour créer un peuple d'adorateurs qui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh, quelle belle image ici de ce que le ciel va être pour l'éternité. Ce beau moment et cette belle espérance est seulement pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il est encore temps de le faire. Il est encore temps de chercher la gloire de Dieu, de se repentir d'avoir voulu voler sa propre gloire et d'avoir pensé que le salut c'était pour nous, pour notre propre bien-être. Non, le salut c'est pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Ce que nous faisons maintenant, ce que nous vivons maintenant pour la gloire de Dieu, C'est ce que nous allons faire pour l'éternité, pour la gloire de Dieu. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, quelle belle image! Quelle belle image du ciel! Une foule de millions et de millions d'êtres angéliques et humains qui adorent Dieu, qui glorifient Dieu, qui poussent des alléluia ou des gloires à Dieu. Et je crois personnellement que ça va être ainsi pour l'éternité. Ô Seigneur, je te remercie personnellement que tu m'as donné d'être revêtu d'un vêtement blanc, de fin lin. C'est à cause de toi. Et c'était à cause de toi et pour toi. Ô Seigneur, avant ton retour, donne-nous à ton Église de prêcher l'Évangile de la gloire du royaume de Dieu. Donne-nous de prêcher l'arrivée du royaume de Dieu par Jésus-Christ et par la fin des temps. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.